Chacha, c'est mon chat. C'est mon chat, Pacha. Chacha, c'est mon chat. Il est laid comme un crachat. Chacha, c'est mon chat. Il profite de ma dacha. Chacha, c'est mon chat. Il me prend pour sa gaïcha. Chacha, c'est mon chat. Il a la belle vie comme Sacha. Chacha, c'est mon chat. C'est mon chat, Pacha. Chacha, c'est mon chat. Ils m'aident pas quand je reviens des achats. Chacha, c'est mon chat. Il me regarde quand je danse le cha-cha. Chacha, c'est mon chat. C'est mon chat, Pacha. Chacha, c'est mon chat. Il a la belle vie comme Sacha.